I'm pain, pain, pain. It's alive! Sinistros et moi avons conçu, fabriqué et remis à Lévis un colosse zombie d'une force et capacité physique incomparables. Cette créature, mi-machine, mi-presque humaine, a été fabriquée dans le but d'accomplir toutes les tâches requises dans notre laboratoire et morgue, requérant des efforts physiques hors de nos capacités. Notons que les capacités physiques de Sinistros sont comparables à celles d'un écureuil. Donc, afin de nous épargner ces travaux étreignants et éreintants, tels que déplacer le générateur électrique et autres équipements du genre, la créature devenait très pratique et efficace. Mais encore une fois, et mea culpa, j'ai confié la tâche à Sinistros de trouver un cerveau minimalement intelligent qui serait implanté dans le crâne de cette dite créature. Mais pour Sinistros, le terme « minimalement intelligent » signifie plus que certainement complètement stupide. Donc, en guise de résultat, notre homme de service à l'intelligence minimal, tel que conçu par Sinistros. Cette intelligence lui dicte uniquement d'accomplir ceci, nous arroser avec son urine. Le cerveau choisi par Sinistros était celui d'une moufette. Maintenant, et ce malgré l'horrible odeur que dégage l'ignoble gobelin, je lui trouve un parfum fort agréable. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui est à ses côtés un assistant qui, comparé à un singe, passerait pour un primate attardé. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are hunted, incorporated, 'cause Pendragon fucking said so. Go!

Ici Pascal Bussière. Et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève. En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, propose ton spectacle à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 19e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le docteur Pierre Gilbert vous invite, avec entrée libre, à une conférence révélatrice le 14 septembre à 13h à l'hôtel L'Urbania de Trois-Rivières. Notre monde à l'aube d'un changement planétaire sans précédent. Par événements et sciences, les prédictions prophétiques sous nos yeux. Le futur est maintenant. Une conférence inusitée avec photos et vidéos? Pour plus d'infos, visitez pleinfeu.org. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 10 septembre de l'an des disgrâces 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et je ne peux dire autre chose. J'aurais aimé vous apprendre une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas. L'assistant est toujours Sinistros. Eh oui. Puis tu sauras que le cerveau de moufette que j'ai pris, c'est celui de Pépé Le Piou. Ça n'a rien empêché au résultat. Non, effectivement. Donc, la prochaine fois, lorsque je te confierai une tâche, je tenterai de me souvenir de te la retirer. La seule chose que tu fais de bien, là, sais-tu qu'est-ce que c'est, Sinistros? C'est rien. Exactement, mais tu le fais tellement bien, rien, oui, que tu vas te concentrer sur rien. Bref, cette semaine, nous avons une émission qui sera consacrée entièrement... À rien? Non, à plein de choses, mais particulièrement à un seul unique sujet... qui est la musique folklorique québécoise. Avec des formations comme The Section, Exorcist, et Louis Bilodeau. Non, c'est une blague. Chacun spécial, respectivement. Celui de Sinistro, ce sera celui de Huckalt, et le mien sera celui de Fear Factory. Tant qu'au mieux, c'est un peu plus tard dans l'émission. Celui de Sinistro semble vouloir se préparer dans quelques instants, mais pour l'instant, laissez-moi vous énumérer ce que nous avons entendu dans cette ouverture d'émission avec ma première partie de programmation. Vous avez entendu la formation Slayer. Est-ce que ça dit quelque chose? Pas du tout. C'est un groupe qui semblait être prometteur, mais malheureusement, je crois qu'ils ont... Il y a eu des changements de line-up, et je crois que ça promet plus du tout. Slayer est la pièce Not of God, qui est tirée de l'album World Painted Blood, qui est paru en 2009 sur American. Et notez que Slayer sera en compagnie de la formation Gojira et 4ARM au Sepsum, si je ne m'abuse, c'est le 23 novembre prochain. Et le lendemain, à Québec, mais j'oublie l'endroit. Je vérifierai. Exodus, auparavant, est la pièce Beyond the Pale que l'on retrouve sur Exhibit B, The Human Condition, qui est paru en 2010, dernière apparition de cette formation, de trash américaine, sous l'étiquette Nuclear Blast. D'ailleurs, tu savais que Exodus et Slayer avaient quelque chose en commun. Je me souviens pourquoi. Ce sont les amplificateurs. Il me semble que oui. Ce sont ceux qui partagent les mêmes têtes d'ampli. Skeleton Witch est la pièce, Cleaver of Souls, que l'on retrouve sur Forever Abomination, qui est paru en 2011 sur Prosthetic Record. Et nous avions ouvert avec Havoc et la pièce Covering in Fire, tirée de l'album Time is Up, qui est paru en 2011 également sur Candlelight. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. Sur ce, allez vous faire foutre. Eh bien, déjà, le temps est arrivé pour cette nouvelle édition de l'animation. Oui, une semaine déjà comme ça. Déjà une semaine passée. Sinistros, tu as un spécial à nous proposer, n'est-ce pas? Ben, dans le fond, c'est comme la suite de celui de la semaine passée. Et oui. La semaine dernière, on avait fait un survol sur la carrière de Legion of the Damned en passant une pièce par album. Mm-hmm. Là, on va faire un survol de la carrière de Occult. Occult, c'est Legion of the Damned, mais avant que ce soit Legion of the Damned. Ils ont autant d'albums que Legion of the Damned, mais sous le nom Occult, finalement. Donc, si je comprends bien, Legion of the Damned était anciennement Occult. Ben oui, t'as qui sont devenus Legion of the Damned. Ben oui. Mais anciennement, ils n'étaient pas Legion of the Damned, mais bien Occult. Oh, et à l'époque des Cults, ils n'étaient pas Legion of the Damned. Il va falloir qu'on arrête d'occulter ça, parce que d'accord. Ça commence à être très noir. Ça commence à être mêlant aussi. Oui, Occult, qui a changé d'étiquette à quelques reprises... Il était sur Foundation 2000 pour les deux premiers albums. Ça, je ne connais absolument pas. Moi non plus, j'ai l'impression que ça existe peut-être même plus comme étiquette. Ils ont sorti le troisième album sur Massacre Records. Mm-hmm. Et pour les deux autres, ils sont allés avec Painkiller Records. Ce qui est drôle, c'est que quand ils ont signé avec... quand ils sont tombés Legion of the Damned... Ils sont revenus avec Massacre. Et Massacre a réédité le dernier album de Occult qui s'appelait Elegy of the Week. C'est devenu Legion of the Damned avec Feel the Blade qui est paru en 2008. Mm-hmm. Alors, Occult, on va faire un survol des quatre premiers albums parce que la semaine dernière, on avait commencé avec Feel the Blade qui était dans le fond le cinquième album de Occult. Alors, on va avoir des pièces de... Oui? Mais j'ai une question. Occult, à l'époque, est-ce que c'est à la période d'Occult qu'il y avait une fille qui chantait? Oui, pour... c'est en plein ça sur les trois premiers albums. Donc, ce qu'on va entendre... C'est avec la fille. D'accord. Mais la fille est là, peut-être le corps du temps, peut-être. Okay. Le chanteur original, tu l'entends, sa voix, là, comme clairement. La fille, elle a une voix beaucoup plus dette. OK. C'est comme bizarre, là, mais c'est comme ça. OK. Puis le style musical est assez différent de ce que les jeunes de dames font aujourd'hui. C'est un peu plus black. C'est ah, ça. Okay. Il y a un petit côté plus blackish, mais il y a les beats mid-tempo de Legion of the Damned qui se retrouvent dans Occult. Okay. Okay. On va entendre des pièces des albums de Prepare to Meet Thy Doom, The Enemy Within, Of Flesh and Blood et Rage to Revenge. On commence tout de suite avec Leader in War, qui est paru en 1994. C'est parti, go!

19h51. Et surprise, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Eh bien oui. Hey, on est tous des ratoureux, nous, hein? Ah! C'était pas vrai tantôt, on n'était pas partis. Les amis, quelle bonne blague. On est farceurs. Je te dis qu'on ferait des mots juste de bonnes émissions pour enfants. Ah ouais, ticu, c'est du mal. Assis-toi et ticu, puis qu'est-ce qu'on a dit? Ferme ta gueule, écoute. On vient d'entendre Occult. Ben arrête donc. Qui est le pré-Legion of the Damned. Puis je sais pas si vous avez remarqué, pour les connaisseurs de Legion of the Damned, plus que ça va d'album en album, plus que le son se actuel se définit. Oui. L'album Elegy of the Week, qui était le cinquième album de Occult, c'est carrément le son de Legion of the Damned, comme j'ai dit tantôt. Mm-hmm. Il a été réédité sous le nom Legion of the Damned, avec comme titre Feel the Blade. Alors, on a entendu de l'album Rage to Revenge de 2001, Violence and Hatred, de l'album Of Flesh and Blood, la pièce Parasite. 99. De l'album The Enemy Within de 1996, Inquisitions of the Holy. Et on a commencé le bloc en 1994 avec le premier album de Occult qui s'intitulait Prepare to Meet Thy Doom et la pièce Leader in War. Tu vois, avec la pièce Violence and Hatred qui vient de Rage to Revenge, effectivement, on voit beaucoup plus que le son s'est destiné à la Legion of the Damned. Par contre, il manquait à l'époque encore cette puissance qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, ben, probablement qu'il y a un effet de production qui rentre en ligne de compte. C'est sûr, mais il y a un effet comme plus gros. On dirait que sur Occult, ils sont accordés peut-être un peu plus haut. C'est possible. Tandis que les Legion of the Damned, ils ont peut-être down-tuné un peu le guitare pour donner un effet plus... plus dégoulinant. Ben, c'est ça. Mais tu vois, j'ai été surpris quand tu m'as dit tout à l'heure, parce que je ne les connaissais pas, ces albums-là. Quand tu m'as dit tout à l'heure, ça, c'est la chanteuse qui portait le nom de je ne sais plus, là, faudrait que je retourne c'est voir. C'est la chanteuse de pathologie, présentement. Ouais, il faudrait aller voir c'est quoi son nom. Le problème est un nom que je suis pas capable de prononcer non plus, là. C'est elle qui fait l'effet growl dans toute l'histoire. J'étais surpris de voir que tu me disais, c'est la fille qui chante. Mais en même temps, je pense que c'était un peu de trop. Ben, je pense que oui, moi aussi. Parce que déjà, le vocal du chanteur principal... Maurice Papineau, je pense, c'est ça. qui était dans Occult et qui était aussi maintenant dans Legend of the Damned, a une voix assez, déjà, particulière qui donne une dimension intéressante au band sans avoir un beurrage supplémentaire. Mais on voit qu'ils sont passés du black metal au death thrash d'album en album. Oui. Parce que la première pièce que tu as diffusée, Leader in War... Super Prepared to Meet Thy Doom, c'était, je te dis, typiquement c'est black là. Trash. C'est là, ça, c'est effectivement, ça. Là, avec les petits guitares, oui, exactement, tout à fait. C'est ce qui m'énerve un peu, finalement. Mais c'est le fun de voir. C'est une évolution. C'est une grande, c'est ça, parce qu'on. Dans le fond, c'est un band qui existe sur deux noms, mais depuis bien longtemps. Ben, qui ont 10 albums, qui vont sortir leur 11e. Incessamment, tout à fait. Il est 19h54 et je vous rappelle que tout un effet d'écho, hein? Ouais, j'en cherche un comme ça, c'est pas trop ouvert. Ben, t'es comme loué. OK, c'est correct. Mais tu me branches rien nulle part. On vous rappelle qu'elle était... Maudite marre. Que Trois-Rivières Metal vous présente la 13e édition du Trois-Rivières Metal Fest qui se tiendra cette année, les 11 et 12 octobre prochains, à la bâtisse industrielle qui est située au 1760 avenue Gilles Villeneuve, ici même à Trois-Rivières. En fait, c'est pas très loin de la morgue et du laboratoire de réanimation. Effectivement. Et sur on accepte les volontaires ce soir-là, hein, y a pas de problème. Les volontaires pour faire quoi? Ben pour faire enlever une partie de leur corps. On va faire des dons. Oui. Des dons forcés. Oui. Oui, d'accord. Qu'on va récolter et redistribuer à nous-mêmes, finalement. Donc, deux soirs de pur métal dans lesquels vous pourrez voir soit le vendredi, formation qui sera gagnante. J'imagine, je le disais la semaine dernière, mais j'imagine que ça va sortir incessamment. Quel est le nom du gagnant de Metal Academy qui aura le plaisir d'ouvrir ce festival. Donc, c'est à venir. Mais il y aura les formations Han Newman, Hollow, Beyond Creation, The Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation. Et tant qu'au samedi 12 octobre, vous pourrez voir Hear My Words, Insurrection, Battle Cross, The Acacia Strain, The Shadows Fall, Obituary et Hatebreed. Les spectacles commenceront à 18h et les portes de la bâtisse industrielle ouvriront à 17h. C'est un festival qui est pour tous. Et le coût des spectacles, en fait, des soirées est de 35$ unitairement ou 60$ pour le forfait 2 soirs. Vous pouvez directement acheter vos billets en ligne sur le site de trois-rivières-metal.com ou aller sur les endroits suivants que je vais essayer de vous déchiffrer, c'est-à-dire, et j'ai encore oublié mon troisième œil, moi. Long and McQuaid, ici à Trois-Rivières, La Puce Rock à Trois-Rivières, Amnesia à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummond, et bien sûr sur le www.3rmf.com. Alors, j'ai bien fait ça, hein? Comme un chef. Ouais. Je pense que j'ai le goût de recommencer. côté spectacles qui sont à l'extérieur de la ville immédiate, on verra ça un peu plus tard au cours de l'émission. Mais pour l'instant, nous allons... J'ai pas vraiment de chronique cinéma cette semaine, mis à part peut-être le film à revoir ou découvrir, parce que, en fait, je vais être franc, tout ce que j'ai écouté le week-end dernier, c'était de la pure merde. Donc, ça vaut vraiment pas la peine d'en parler. Ça va pas bien. N'oubliez peut-être petit truc musical là, qui sont à surveiller, qui s'en viennent. On va voir ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, allons-y musicalement avec. Je sais pas ce qui me prend ce temps-là. Là, ça fait 2 semaines que je fais des programmations. C'est le deuxième bloc que je fais avec une espèce de tendance un peu black, là. Oups. Ça va pas bien, hein? Non. Bon, je pense que je le passerai pas. Oh, pis. On va entendre la formation de Necrophobic. Mais ça, c'est bon. C'est du Black Death. On va entendre Sanctus. Tu te rappelles le Sanctus? Formation qui vient de Saint-Apollinaire. Ah ouais, Saint-Apollinaire. Oui. C'est un bout de Québec, ça. Je suis-tu, moi. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est une formation grecque, je crois. Et tu connais Dissection? Ben oui. Ben allons écouter Black Horizon. C'est bon, ça. Absolument. À réanimation. Go! Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la relève. En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, propose ton spectacle à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois, la 19e édition de Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le docteur Pierre Gilbert vous invite, avec entrée libre, à une conférence révélatrice le 14 septembre à 13h à l'hôtel L'Urbania de Trois-Rivières. Notre monde à l'aube d'un changement planétaire sans précédent. Par événements et sciences, les prédictions prophétiques sous nos yeux. Le futur est maintenant. Une conférence inusitée avec photos et vidéos? Pour plus d'infos, visitez pleinfeu.org. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 21 et vous êtes toujours à réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et ce jusqu'à 22h. Du moins, si on se rend jusque-là. On vient d'entendre la formation Necrophobic. J'aime beaucoup cette formation. Oh oui, un nouvel album qui s'en vient sous peu, d'après moi. C'est il s'en vient même souper, je pense. Souper, ah ouais, ben moi l'ai ouais. Il serait disponible à partir du 29 octobre prochain en version CD et LP. Oh, c'est le fun, ça. Oui, tout à fait, sur l'étiquette Nuclear Blast. Il portera le titre de Warm of Lily 2. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Mais ce qu'on a entendu, nous, ce soir, c'est tiré de Death Wall, qui est la dernière parution en 2009 de cette formation, soit la pièce Revelation 666. C'est assez intense et puis je pense que c'est une des excellentes pièces et ce, malgré le fait qu'il y ait une tendance black metal qui fait partie des pièces que je préfère dans le monde du métal. Juste auparavant, nous avions la défunte et de courte durée formation Sanctus. J'ai dit tout à l'heure grec, je suis complètement fourvoyé. C'est une formation américaine qui vient d'avoir. C'est une pizza grecque américaine. c'est ça. une pizza. Une formation qui vient de Long Beach, en Californie. Formation qui n'a eu qu'un seul et unique album longue durée, full length en bon français, qui est sorti en 2000, c'est-à-dire celui-ci, celui que j'ai passé un extrait, qui est l'album Iron Sky. Ils ont eu simplement un EP par la suite pour se dissoudre littéralement en 1998. La pièce était If We Fall, que l'on retrouve, comme je viens de le dire, sur l'album Iron Sky, paru sur Metal Blade. Et cette pièce-là, j'aime beaucoup aussi. Quoique... assez progressif par moment. Il y a une section dans la pièce qui est beaucoup plus, je dirais, planante à certains moments, avec des chœurs féminins, bien sûr, je trouve que ça donne une bonne ambiance. Nous avons ouvert avec Dissection et la pièce Black Horizons que l'on retrouve sur The Somber Lane. C'est paru en 93 sur No Fashion et ici aussi, cette formation-là, si on peut dire formation, ça n'existe plus. Ça pourrait plus exister non plus, non. Parce que le chanteur, il est mouru. Il est mort, effectivement. Faisons une association à l'autre. J'ai parlé de la venue du nouvel album Necrophobic pour le 29 octobre prochain. Pour les amateurs dont je suis, je crois que tu es aussi, et nombreux d'entre nous le sont, un nouvel album de Motorhead. C'est Aftershock qui va être disponible au début septembre. En fait, c'est le 21 octobre, ça va être qu'il sera disponible. En tout cas, moi j'ai lu que c'était... dans une couple de semaines, le milieu septembre. En tout cas, c'est toujours selon l'Europe ou les États-Unis. Oui, mais moi, je parle. Les dates que j'annonce sont toujours américaines. OK, bon. Selon la sortie officielle, ce sera le 21 octobre. C'est en Collector's Fan Pact, en plus. Donc, c'est un truc qui comporte énormément de choses. Le vinyle, évidemment, le CD. Ouais, il y a tout sauf de la musique. Oui, tout à fait. C'est un film. C'est un film de Fernandel. Avec des bouclettes, ainsi de suite, des trucs, des posters, en tout cas. Un truc, j'imagine, assez complet, mais qui devrait pas être vraiment donné aussi. C'est sur l'étiquette de Motorhead, UDR Music. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Death Angel aussi, je serais curieux. Je vais être curieux d'entendre le nouvel album qui va sortir. Ben, le dernier était quand même très bon. Là. Celui-là, qui porte le nom de Dreams Calls for Blood, est disponible présentement depuis très, très peu de temps sur Nuclear Blast. Dernier album, c'était quand même pas si mal. Oui, c'était bien, c'était bien. C'est une formation qui a quand même une bonne feuille de route derrière elle. Annihilator en a sorti un nouveau aussi, je crois. Tant c'est possible. Ouais. Mais j'écoute moins ça. Ben, en tout cas. J'écoute pas plus Tyr, qui est un Viking Metal, mais pour les amateurs, le 17 septembre prochain, c'est DLP, c'est le nouvel album Valkyria, qui sera sur Nuclear Blast. Ça risque d'être intéressant pour les amateurs. Satyricon, le 17 septembre, nouvel album. Un album qui portera le titre complexe de Satyricon. Album que je n'ai pas aimé du tout. Que tu n'as pas aimé? Non. Bon, OK. T'as le droit. Puis, ah oui. C'est ça qui est ça. OK. N'oubliez pas que le 27 septembre, c'est The Vision Bleak. Et le 27 septembre, également, c'est le nouvel album de Hate Sphere. Et chose intéressante pour les amateurs dont je suis, le 26 novembre prochain, c'est la sortie du nouvel album de Dayside, qui portera le titre de In the Minds of Evil. En date d'aujourd'hui, le artwork n'était pas encore disponible. Il y a un nouveau Vision Bleak qui s'en vient aussi. J'ai juste le dire. OK. Vision Bleak, tu l'as dit? Oui. Excusez. Il m'écoute beaucoup. Ah non. Pas du tout. Eh, bon, c'est pas facile. Bon, OK. Je t'ai rendu où avec ça, là? Ah non, c'est correct. Bon, ben. À ce temps-là, tu l'as dit, je dis plus rien. C'est une promesse, ça. En parlant de nouveaux albums, il y a un nouvel album qui s'en vient début octobre. On dit des albums. Des albums. Un nouvel album. Il sait pas parler en plus. Ça s'en vient pour le 5 octobre prochain. C'est le prototype de Insurrection que j'ai reçu ma copie. Tu l'as-tu reçu ta copie, toi? Oui, et là, j'ai pris gaffe. Fait que t'as-tu fini l'affaire, ta copie? Oui, des tonnes de copies. Je ne dirai plus d'insanité à la radio. Non, c'est ça, c'est ça. Ça, on m'a la photocopie 25 fois. Bien que t'es écœuré. Et j'ai eu la permission de la part de Barberou de présenter l'album, à condition que je mette la pièce Checkmate, qui est le single de l'album. C'est pas un problème, je vais en mettre Checkmate, puis je vais en mettre 5 autres aussi. 4 autres, finalement. Fait que c'est même pas encore disponible pour le commun des mortels. Ben, c'est disponible pour ceux, parce que les autres, ils ont fait un. Ouais, pour un ceux genre qui ont contribué à le Indie à GoGo est machin chouette, que tu pouvais payer il y a fort longtemps pour qu'ils se ramassent des fonds pour être capable d'enregistrer, de sortir de l'album. Alors, ceux qui ont participé à leur levée de fonds, il y avait des primeurs, ils recevaient l'album avant tout le monde, chose que moi j'ai faite parce que j'étais un fan inconditionnel d'Insurrection. Alors, j'ai payé ma cotisation et j'ai reçu mon album. Oui, bon. De prototype. Un prototype qui est très, très bon, qui n'a pas la même production que les albums précédents, beaucoup plus sec. Okay. Mais ça fait un job en masse. C'est la troisième parution, cette formation. C'est la troisième parution, effectivement. Okay. Alors, on va entendre Overprocessed, qui est l'intro, et ainsi que les pièces Abattoir de Chronophobes, Checkmate, Sueur froide, et ça sera suivi de Twitch, qui est paru sur Fracture en 2010. Allons-y tout de suite. Insurrection, prototype. D'accord. We'll be right back. Rise up! Peace by peace!

feu. Le BDN vous invite au mercredi Bling Bling. Pour seulement 4$ l'entrée, les filles ne payent rien de 9h à minuit et ce prix d'entrée inclut une consommation pour les gars. Un DJ et un band surprise vous y attendent. De nombreux prix à gagner pour ceux qui portent le plus de Bling Bling. Le BDN, 3600 rue de la Pinède, Trois-Rivières. Le mercredi, sors ton Bling Bling. Consommez avec modération. Réservé aux 18 ans et plus. Moi, j'ai soif de connaissances. Moi, j'ai envie d'apprendre. Moi, je veux tout savoir. Moi, j'ai juste tellement faim. Les études sont longues, les journées sont courtes. Passe-donc chez Valentine avec tes amis et récompensez-vous. Vous le méritez bien. Valentine, les meilleures frites au Québec. 5 restaurants Valentine à Trois-Rivières. Suivez Valentine QC sur Facebook ou visitez-nous au valentine.ca. Hey! Lâche pas la patate! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Il est 21h51. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, c'est-à-dire à l'indicatif 89,1 FM, Sinistros. Ah bien oui, bien sûr, docteur. Ne pas oublier cette synchronisation, minimalement tous les mardis, à partir de 19h, c'est très important pour votre culture et votre santé mentale. Oui. Ce sont là que des foutaises. Ben... Il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'on dit. Oui, mental était le mot retenu qu'il y avait oui, c'est une ça, question ça. De vérité, une fois un fond de vérité. Oui, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ou la vérité sort toujours du nez des menteurs. Ah, ben oui. Bon. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Que j'ai trouvé fort intéressant, Intéressant. Oui. Insurrection, on a eu la pièce Twitch qui était parue sur l'album Fracture de 2010. Mm-hmm. Mais on a eu droit à. Les 5 premières pièces du tout nouvel album qui s'appelle Prototype. Je vais nommer les pièces, puis après ça, je vais vous faire un petit speech. D'accord. Nous sommes toutes oui. Sueur froide. Tout juste avant, on a eu le single Checkmate. On a eu The Chronophobes, Abattoir et Overprocessed, qui est un petit intro un peu mécanique. Très bon. Alors, voici le speech. Ah ben oui, moi je suis tout à fait d'accord. Insurrection seront Trois-Rivières Metal Fest. Arrête donc. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est indéniable, c'est annoncé sur le site officiel. Vu que c'est annoncé, on va dire que le samedi, quand vous allez aller au Trois-Rivières Metal Fest, gardez-vous un petit 20$. Allez à la table de merch de Insurrection, puis achetez-les l'album, parce que ça vaut crissement la peine. Ben d'ailleurs, ça me surprendrait pas qu'ils fassent un package aussi T-shirt. Ben c'est ça qu'ils faisaient les autres années. Je sais pas. Puis moi, c'est quand? C'est l'année dernière qu'ils sont venus? C'est l'année dernière. Ils sont venus au stage. Non, mais au Metal Fest, c'est-tu? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je m'étais procuré effectivement l'album Fracture et je m'étais procuré le T-shirt. Le T-shirt est vraiment cool. Eh oui, là, il va y avoir des nouveaux T-shirts. Fait que moi, je vais pouvoir me pogner un T-shirt nouveau. Bon, c'est-tu juste ça le speech? Ben oui, mais c'est parce que là, j'essaie de faire la promotion pour Insurrection de mais Zéro Monde. Je vais te donner des coups. Faire la promotion pour inciter les gens à venir encourager une formation thème en l'occurrence, ça commence comme ça. Hey, toi là-bas! Hey, tu aimes Insurrection? Seront Trois-Rivières Metal Fest 2013. Amène à ta langue! Amène-toi un 20$ et va chercher un petit CD! Amène-toi 20 écus, va te procurer la dernière platine. Alors, c'est paru sur Gully Records. Ben, en fait, c'est pas encore paru parce que ça va sortir en magasin. Je crois que c'est le 5 octobre prochain, si je ne me trompe pas. Mais c'est sûr qu'au Trois-Rivières Metal Fest, ils vont en avoir. Bien entendu. Parce que s'ils n'en ont pas, moi, me le fais dire. Bien entendu. Côté spectacle, présentation BC High, vous pourrez voir le lundi 16 septembre à dès 20h au Fofones Électrique, la formation Anathema, Alcest et Mammifer au coût de 20$ et 25$ taxes incluses. Réseau GTN, Dayside, Broken Hope, Disgorge et Necronomicon. Ben, c'est drôle, hein? Ben, je suis pas parti à rire encore, mais si tu trouves ça drôle. Ben, c'est parce que je suis en train de... Je t'ai demandé ce qui se passe, là. Lundi 7 octobre, et on parle que le nouvel album sera le 26 novembre. De Dayside, je parle. Oui. Ça veut dire que t'auras pas l'album au show. Ben, je trouve ça un peu bizarre qu'ils refassent une tournée sans attendre un nouvel album. En tout cas, Dayside, Broken Hope, Disgorge, Necronomicon au Club Soda pour le spectacle du lundi 7 octobre à 19h. C'est pour tous. Au coût de 25,22 $ et 30,43 $ plus taxes. Les billets seront en vente bientôt à surveiller. Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk seront le samedi 30 novembre au Club Soda dès 20h. C'est un spectacle pour tous au coût de 23,29 $ taxes incluses à la billetterie du Club Soda. Mais brève chronique cinéma de cette semaine sera simplement consacrée à la section films à revoir ou à découvrir. Tu connais George A. Romero? Ben oui. Est-ce que tu connais Dario Argento? Non. C'est un producteur de films d'horreur probablement plus productif que Romero. OK. Qui a débuté, je dirais, un petit peu après lui, par contre, mais qui a fait beaucoup plus de productions de films d'horreur, qui est tout aussi réputé, sinon plus, que Romero. Et ils ont fait, en 1990, une collaboration qui s'appelle Two Evil Lies, et qui, ils s'attaquent chacun à une histoire mythique de Edgar Allan Poe. Oh, ça a l'air fun. C'est vraiment cool. C'est une adaptation, bien entendu, de leur vision d'Edgar Allan Poe. Mais c'est vraiment... Il y a le Chat Noir, entre autres, qui est comme histoire, qui est avec Harvey Keitel, et qui est assez démentiel, je dois dire. Le chat autant que l'histoire. Et c'est vraiment une très belle production, parce que t'as l'impression d'être assis comme à l'époque au cinéma où t'avais deux films pour le prix d'un. Tu te rappelles quand on était plus jeune, c'est un double feature, si on veut, là. T'as l'impression que c'est ça. Ça se perd, hein, ces histoires-là. Ces trucs-là vintage, là, sont tellement, mais tellement regrettables, là. Écoute, maintenant, là. Tout est pour l'argent, hein. Rien qu'un film pour le prix d'un. Jetable, pis. En tout cas, ah ouais, c'est ça. On prend en débattre longtemps, puis ça me ferait plaisir de le faire, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Donc, Two Evil Eyes, un film de 1990, signé Dario Argento et George A. Romero. Je donne 8,5 sur 10. C'est un film qui a quand même très bien vieilli, malgré le fait qu'il y a quand même 23 ans de cela. C'est pas grave, ça. T'as entièrement raison, c'est loin d'être grave. Au contraire, c'est souvent une qualité. Hey, t'avais dit que t'avais écouté des films pourris. Oui, j'ai écouté plusieurs films pourris. Je veux juste te dire que ce vendredi, c'est un vendredi 13, et c'est la sortie de Insidious Chapter 2. Ouais. Je trouve c'est quand même cool de qu'un film sorte un vendredi 13. Ouais, mais j'espère qu'ils se tromperont pas. Le premier était quand même assez bon, là. Il était correct, le premier. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le deuxième, j'ai toujours un peu d'appréhension quand on décide d'exploiter. Surtout dans ce type de film-là, Les franchises, ils plantent assez vite. Ouais, je suis entièrement d'accord. En parlant du vendredi 13 septembre, je serai à l'émission Rock Classique, d'ailleurs, ce vendredi-ci, pour présenter mes choix en matière de rock avec Alain Lefebvre, le Rockmaster. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, suivez-nous. Puis, si ça vous intéresse pas, bien, venez quand même. Suivez-nous. C'est cela. Oui, Sinistro, t'as raison. Je l'ai dit. Je voulais pas m'attarder à ça, mais je vais le faire quand même. J'ai vu des... Je vais le faire. Ben, je veux le savoir. Ben, c'était... Écoute. Je me rappelle même plus des titres, honnêtement. Hey, c'était pourri rare. Ouais, il y en a un, je me rappelle, c'est Columbus Circle. C'était vraiment une histoire pseudo-policière d'une femme qui vivait, elle est reclue dans son appartement, qui sortait jamais, qui a été retrouvée morte. Mais c'est pas un film de série. C'est pas une nouvelle de TVA, là. Ah, j'espère que non. Ça va vous dire que j'écoutais TVA, puis ouais. C'est un film de série K ou P, là, je le sais pas, là, c'est vraiment pas bon. Il y a un autre film, mais j'avais oui, c'est ça. Il y a un autre film pour lequel j'avais certaines attentes qui était avec Tom Hanks, dont j'oublie le titre. Écoute, c'est ultra fucké, là, puis ça part dans des espèces de pensées philosophiques, là, qui sont, ils en finissent plus. C'est, grosso modo, ça, j'oublie le titre d'ailleurs, ça m'a tellement un peu marqué, là. Ça dit que, à travers l'histoire, une action peut avoir une réaction plus tard. J'ai vu des previews de ça. Bon, on passe en musique. Ouais, je veux juste dire que le seul film intéressant que j'ai vu, mais en fait, c'est pas intéressant, c'était drôle, c'était un film avec Adam Sandler. qui s'appelle That's My Boy. C'est complètement ridicule. C'est vraiment ridicule. Il y a des bouts où c'est hilarant, là. Mais tu sais, faut pas s'attendre à grand chose avec les films d'Adam Sandler. C'est sûr. Mais celui-là, il était sa affaire, là. Si t'aimes les films qui sont absurdes par bout, là, tu vas être servi à souhait. C'est ça, côté cinéma. C'est assez. Allons-y musicalement. J'avais dit que je ferais un spécial Fear Factory. Et je vais le faire de ce pas. On va entendre 4 pièces tirées entre 1995 et 2010, soit respectivement les albums The Manufacturer, Obsolete, Archetype et Mechanize. Tout de suite, débutons avec Self-Bias Resistor, qui est paru en 95 sur The Manufacturer. Fear Factory. Go! Sean. I am unworthy. Prepare for salvation. Yeah! les 11 et 12 octobre prochains à la bâtisse industrielle, Voir Rivière Metal en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cipou 89.1 présente le Trois Rivières Metal Fest 13e édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Suffocation, Voivod, Obituary, Shadows Fall, Jungle Rot et Hatebreed. Billets en vente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Le Metal Punk et au 3RMF.com au coût de $35 pour un soir ou $60 pour les deux soirs. Quantité limitée. CD compilation double remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Gally Records. Les 11 et 12 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Tu écoutes C'est fou, tu lis le Zone Campus, tu désires t'impliquer dans ta communauté? Le GME est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à ca@gmeuqtr.ca. Date limite, 11 octobre. Nouveau bar et boîte à chansons au centre-ville de Trois-Rivières. La Petite Grenouille. Venez découvrir nos deux chansonniers et nos mercredis soirées du Boc à 1,50 et le Méga Boc à 6,50. De plus, ce mercredi 11 septembre, spécial rentrée. Entrée gratuite sur présentation de votre carte étudiante de l'UQTR. Une présentation Alexander Keith. La Petite Grenouille, 282 rue des Forges, Centre-Ville, Trois-Rivières. Consommez avec modération. Réservé aux 18 ans et plus. La radio, autrement. 89.1. C'est vous. Comment? À 22 piles. Oui, et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, votre radio campus, ici même à Trois-Rivières. Quelle belle voix, n'est-ce pas? C'est radiophonique. Foutaise! On vient d'entendre avant la pause publicitaire ce spécial mini-spécial Fear Factory. Formation originaire de Californie et qui a vu le jour, voilà, en 1989, une formation qui donne dans un... Écoute, il y a eu quand même une certaine évolution au niveau du style musical parce que il y a une qualification qui est industrielle, death metal, groove, industrial metal, ainsi de suite. Donc, bon, c'est... Il y a eu autant je dirais, pas de changement d'orientation musicale, d'évolution, qu'il y a eu de changement au niveau de l'alignement, parce que on parle quand même de past member, là. Il y en a quand même, je dirais, 6-7 facilement. Formation qui, en date d'aujourd'hui, allait à leur 9e album studio, soit en 2012 avec The Industrialist. Je présume qu'en 2014, Fear Factory vont récidiver avec un nouvel album. Aujourd'hui, la formation est constituée principalement, bien entendu, de Burton Seabell et de Dino Cazares. Ils ont des musiciens de studio, mais Industrialist, il y a seulement deux noms qui sont marqués officiellement comme musiciens officiel du band, soit Bell et Cazares. On a entendu formation Mechanize, juste avant la pause publicitaire, qui est tirée de l'album du même nom, qui est paru en 2010 sur Candlelight. Bone Scraper, cette pièce est tirée de Archetype, paru en 2004 sur Liquid Hate. Smasher Devourer, c'est une pièce qui est tirée de Obsolete, un album de 1998 sur Roadrunner, qui était le troisième album, en fait. Et nous avions ouvert ce micro mini petit spécial Fear Factory. Minuscule. Oui, minuscule. Spécial Fear Factory avec la pièce Self-Bias Resistor, une de mes pièces préférées à vie de cette formation, qui apparaissait sur le deuxième album de ce band américain, soit l'album The Manufacturer, qui est paru en 95 sur Roadrunner. Et à cette époque, en 95, The Manufacturer avait, d'une certaine façon... bouleversé un peu la scène métal. Oui, ben c'est ça, en incluant des passages très industriels et très électroniques et mécaniques. Oui, en fait, les instruments, les musiciens sont tous ont tous une part active au niveau de la composition des enregistrements avec des instruments traditionnels, mais il y a beaucoup de technologie qui est mêlée à ça. Oh oui, mais de toute façon, les gens de Fear Factory, ils tournent autour de la clique, là, comme je pourrais appeler, là, qui inclut entre autres Ministry, Prong, Killing Joke un peu. Ça vient tout alentour de cette gang-là. C'est des formations, comme tu dis, Ministry, Prong, etc. Nine Inch Nails et compagnie. Là, qui ont beaucoup d'influence, qui ont eu beaucoup d'influence sur cette formation-là. Parce que si on parle de l'esprit des années 80 dans ce qui était l'émergence du, je dirais, entre guillemets, métal industriel avec les bandes comme Ministry. Ouais, mais c'est comme des musiciens qui se côtoient tous en même temps, tu sais. Mais ça a eu une espèce d'impact sur le métal, je dirais, d'amener le côté mécanique. Oui, c'est ça. D'amener le côté technologique qui n'est pas, je dirais, apprécié de tous les amateurs de métal. Ben c'est sûr que les purs et durs. Je sais pas si c'est une question d'être pur et dur. Je pense que c'est juste une question d'orientation à quelque part. Moi personnellement, les machines c'est une chose que je trouve intéressante dans un milieu expérimental, dans un milieu musical proprement dit, exemple comme le métal, ben bien dosé, d'accord, là, mais faut pas que ça soit faudrait pas que ça soit la machine qui ait le devant de la scène, si tu veux. Bon, ouais, faut qu'il reste quand même une certaine part de réalité à l'arrière. Et je crois que Fear Factory l'ont quand même bien dosé, l'ont bien apprivoisé, ce qui leur donne un style musical, je dirais, particulier. Ceci étant dit, je vous rappelle que Trois-Rivières Metal vous présentera sa 13e édition du Metal Fest, du Trois-Rivières Metal Fest, ce 11 et 12 octobre prochain à la bâtisse industrielle. Les portes ouvriront à 17h, les spectacles débuteront à 18h et c'est pour tous. Vous pourrez voir vendredi le 11 octobre la formation gagnante du Metal Academy qui aura la chance et j'imagine le plaisir d'ouvrir ce festival. Donc ce nom est à venir. Mais entre autres, vous pourrez voir les formations Hon Human, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod et Suffocation. Ça c'est pour le vendredi le 11. Tant qu'au samedi le 12 octobre, Hear My Words, Insurrection, qu'on a entendu tout à l'heure et j'ai trouvé l'album excellent. Battlecross, d'Acacia Strain, Shadowfall, Obituary et Hatebreed. Les prix des billets individuels pour chacun des soirs est à $35 et le forfait deux soirs est au coût de $60. Vous pouvez acheter vos billets en ligne directement sur le site du Trois-Rivières Metal ou vous les procurer dans les commerces suivants. Ici à Trois-Rivières, Long & McQuaid, La Puce Rock, Amnesia, Metal Punk, à Montréal, Profusion, à Québec, Vision Rock et dans la région de Drummondville, Disque et Ruban. C'est un commerce que je suis jamais allé, Disque et Ruban. J'ai entendu parler souvent, mais je ne suis jamais allé. Ou directement, comme je le disais, sur le www.3rmf.com, entre autres via PayPal. Qu'est-ce que tu nous proposes musicalement? Ben, ça va bien tomber. T'as fait un spécial Fear Factory. Hein, j'ai fait ça, moi? Ben oui. Quand ça? Ben, laisse-moi pauser. Ça passe vite. Hein? J'ai pas souvenir. Ça passe vite. Hein? Qu'est-ce qui passe vite? Je sais plus. Tu parles-tu d'être en ta compagnie? Parce que ça, non, ça passe pas vite. Ah non, c'est long à 3 heures. C'est plus longtemps. Pour faire suite à ton spécial Fear Factory, ben j'y vais avec un genre de spécial axé un peu plus sur un genre de industriel, peut-être plus alternatif, mélangé avec un peu de métal. Fait qu'on risque d'avoir des purs et durs, vont peut-être moins apprécier. Mais c'est pas mais ça en prend pour tous les goûts. Ah oui. Alors, on va continuer avec Killing Joke, avec une pièce qui s'intitule Fema Camp. C'est tiré de l'album 2012, qui est paru en 2012. Ah ben, c'est tout un addon. Ah, tout un addon. Killing Joke, ils vont en sortir un incessamment aussi. On aura Prong. Prong, parce qu'il y a des membres de Prong qui ont déjà joué avec Killing Joke. Donc, moi, quand tu avais présenté l'album de Prong, j'avais trouvé ça pas mal correct. Ben, moi, j'aime bien ça. C'est un band que j'ai perdu de vue à un moment donné. C'est un autre côté mécanique. Il donne dans un côté peut-être un peu plus métal alterno, mais en tout cas, il y a un paquet de mélange là-dedans. Pour faire suite à Prong, on aura Ministry avec un classique. Ah, ben oui. Un très grand classique. J'ai mis Ministry après Prong parce que Tommy Victor de Prong, il est guitariste dans Ministry. Donc, c'est tout un concept à travers ça. Ouais. Mais on va continuer le concept en mettant Revco et Revolting Cox. Revolting Cox qui, entre autres, été instigé par Al Jorgensen qui est dans Ministry. Tout à fait. Puis on va finir avec Lard. Lard qui met en vedette des membres de Revco, des membres de Ministry, avec Jello Biafra. Alors, ça fait tout un beau mix. C'est tout une poutine. Hein? Ça va être une très grande poutine. Un peu moins de métal, mais tout aussi intéressante. Ben, Folk Boys, c'est assez métal, ça. Ouais, c'est plus... plus hardcore, peut-être. Ouais, plus, c'est pas mal guitare. Oh, c'est pas mal guitare. C'est tout pas mal guitare. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a un petit côté un peu plus alternatif dans certaines pièces. Mm-hmm. Alors, allons tout de suite avec Killing Joke, Femme à Camp. Go! We'll be right back.

great idea. Though at times, things get a little tricky. Babies is a bad idea. People could be born with rabies. Making love has never been sweeter. My dad would be high as a dog. Yeah. L'émission est pratiquement terminée, pauvre mortel. Fork Boy avec Lard, qui comprend, entre autres, Al Jorgensen, Paul Barker, Bill Ward. Et... Bill Ward de Black Sabbath. Ouais, c'est ça. Non, pas Bill Ward de Black Sabbath, malheureusement. Et Jello Biafra au vocal. Refco avec la pièce Cousins, c'est sorti sur l'album Sex O, Olympic O de 2009. Forkboy de Lard, c'était Last Temptation of Reed de 90. Oui. Ministry avec le très très grand classique Burning Inside qui est paru en 1989 sur The Mind is a Terrible Thing. C'est incroyable, Days, pareil. Hein? Qui est le meilleur album de Ministry ever. Oui, effectivement. Prong, Keep on Living in Pain, tiré de l'excellent album Carved into Stone qui est paru en 2012 sur 13 Planet ou Branch Records. Et Killing Joke avec Fema Camp, tiré de 2012 qui est paru en 2012 sur Spine Farm Records. La semaine prochaine, nous y serons. Quelque chose de particulier en ce qui te concerne? Présentation du nouvel album de Body Farm, qui est excellent. Ça rentre dedans, mes amis. Ça va être le fun. Bon. Et moi, tant qu'à moi, rien. Je programme absolument rien. Comme d'habitude. Mais je vais chanter. OK. Faut que tu chantes en créole? Moi, après, je chante en créole. J'ai pas beaucoup d'affinité avec ce genre de langue. Non. Non, à la place, je vais chanter en allemand. Ah. Je vais finalement passer de la musique, je pense. Ouais, je pense que c'est aussi bien. 21h54, on se laisse sur une dernière pièce qui est de Malevolent Creation, qui s'intitule Slaughterhouse. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Ciao! Drop, still one flash, cursing for his blade. Barrel.